votre esprit, à l'hymen renonce pour toujours, et la philosophie à toutes vos amours. Le 15 janvier 1622, sous le règne de Louis XIII, naquit Jean-Baptiste Poquelin, aîné de sa fratrie. C'était à Paris, il y a exactement 400 ans, et si le jeune Jean-Baptiste n'avait pas désobéi à son père qui voulait lui transmettre sa charge et son métier de tapissier, Molière n'aurait jamais vu le jour, et notre langue française n'aurait certainement pas la même allure. 400 ans plus tard, le théâtre de Molière est certes un témoignage exceptionnel d'une époque qui n'est plus, mais il est plus encore un miroir extraordinaire sur ce qui n'a pas changé et qui constitue ce que nous sommes encore aujourd'hui. Féminisme, bourgeoisie, misanthropie et expertise en médecine, demandez le programme depuis 400 ans, c'est toujours le même. Quelle belle journée! Vous connaissez la nouvelle? Non. Votre petit-fils ne veut pas être tapissier! Quelle bonne nouvelle! Monsieur a une idée! Monsieur veut étudier! Quelle bonne idée! Mais moi je ne veux pas! Connaissez-vous le vers admirable de Corneille? Le ciel, sur nos souhaits, ne règle pas les choses. Ah, mais c'est ce que je me tue à lui expliquer! Entends-tu, Jean-Baptiste? Entends-tu ce que dit Corneille? Oui, mais c'est à vous, monsieur, que ce discours s'adresse. Bonjour, Lise Michel. Bonjour, Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeure de littérature française à l'Université de Lausanne, spécialiste du théâtre du XVIIe siècle, notamment de Molière. Vous avez proposé une édition critique des Femmes savantes en Garnier-Flammarion, Femmes savantes, donc la pièce qui va ouvrir cette série consacrée à Molière. Et vous venez d'entendre un extrait du film d'Ariane Nouchkine, hein, Molière, de 1978, incontournable quand on veut chercher des références autour de Molière. Et l'extrait le raconte bien, au fond, si Molière n'avait pas tenu tête à son père, il ne serait jamais devenu Molière, il serait devenu tapissier. En effet, son père avait la charge de valet tapissier du roi, ce qui était une charge tout à fait honorifique, bourgeoise, bien installé. Il aurait pu tout à fait, il était légalement héritier de cette charge, qu'il a finalement décidé de céder à son frère, donc de ne pas la conserver lui-même pour se lancer dans l'aventure du théâtre avec Madeleine Béjart, effectivement. Ça veut dire que tout part d'une désobéissance quand même. En un sens, oui. Alors après, le fait que cet acte-là ait vraiment été une révolte contre sa famille, c'est un petit peu romancé aussi, parce que Molière a pratiqué le théâtre dans des conditions qui n'étaient pas non plus celle que présente Ariane Nouchkine non plus. Il n'est pas parti comme ça dans des granges à l'aventure, etc. Il a commencé par fonder une troupe à Paris. Alors effectivement, il y a eu des difficultés financières. Il est ensuite parti en province, mais dans des conditions qui étaient, il allait de cours de province en cours de province dans des conditions agréables. Donc c'était certes un pas de côté par rapport à la carrière qui l'attendait et qui aurait pu l'attendre, mais ce n'était pas non plus un acte de révolte absolue. Alors, j'ai dit, vous êtes spécialiste du théâtre du XVIIe siècle et notamment de Molière. Mais c'est vrai que lorsqu'on lit Molière, qu'on écoute Molière, on se dit, mais Molière est indépassable. Molière est au sommet de ce siècle, en tout cas. Comment est-ce que vous, la spécialiste du théâtre du XVIIe en général, recevez ça? Le fait que Molière soit le grand auteur. Il a beaucoup de contemporains. Ouais. Alors effectivement, alors Molière avait ce site particulier qu'il était, que son humour, son comique était extrêmement ancré dans les références à l'actualité, mais néanmoins d'une façon qui est toujours transposable, c'est-à-dire avec des mécanismes de comique et d'humour qui peuvent être en fait réactualisables, transposables à chaque époque. Voilà. Et puis pour les contemporains, il a aussi ça représentait un énorme changement aussi par rapport à la pratique de la comédie avant lui. Donc dites-nous. Donc il s'est détaché pour son époque. La comédie juste avant lui était très inspirée des modèles espagnols, qui étaient plus des grandes comédies un peu romanesques, avec des histoires de déguisement, d'enlèvement, etc. Molière, lui, a fait des comédies qui ressemblent plus à des sketchs d'humoristes, si on veut, c'est-à-dire vraiment en faisant référence à des questions d'actualité, à des termes de questions qui sont très actuelles pour son public. Voilà, donc ça, ça a représenté vraiment cet humour référentiel, vraiment, a représenté une révolution dans le genre de la comédie à l'époque. Donc c'est l'humour qui le distingue des autres. Parce que pour préciser les choses, il a 16 ans de moins que Corneille, un an de moins que La Fontaine, 14 ans de plus que Boileau et 17 ans de plus que Racine. Mais si on regarde ceux qui l'entourent, tous les noms que je viens de citer, c'est vrai qu'ils ne sont pas connus pour leur comédie. Donc ça veut dire que Molière est le seul à occuper ce terrain-là ? Alors non, il y a d'autres auteurs comiques autour de Molière qui sont moins passés à la postérité. Effectivement, il avait une sorte de puissance d'invention comique de ce point de vue-là qui a fait date. Mais voilà, effectivement, il y en avait d'autres autour de lui. Alors, on va essayer de définir ce que c'est que cette puissance comique de Molière avec cette pièce. Aujourd'hui, Les Femmes Savantes, c'est celle qui ouvre notre série sur Molière, ici, sur les chemins de la philosophie. Mais c'est l'avant-dernière pièce de Molière. Oui. Absolument, c'est avant Le Malade imaginaire. Voilà, c'est ça. En 1872. Et cette pièce, on va entendre le début tout de suite, mais met en scène notamment une discussion autour du bien fondé du mariage. Alors, effectivement, là, on est vraiment ancré dans l'époque de Molière, mais on va voir de quelle façon, finalement, les arguments qui sont avancés de part et d'autre sont encore extrêmement contemporains. Quoi ? Le beau nom de figue est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Oh, ce oui, se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter? Qu'est donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Oh, mon Dieu, fille! Comment? Oh, fille, vous dis-je! Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous? Et de cette union de tendresse suivie se faire les douceurs d'une innocente vie? Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas! Que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs, songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs. Et traitant de mépris les sens et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Cette mise en scène des Femmes Savantes réalisée par Georges Gravier, diffusée le 2 juillet 1978 sur France Culture. C'est Dominique Constanza dans le rôle d'Henriette, Catherine Ferrand dans le rôle d'Armande. Cette discussion autour du mariage, Lise Michel, met en scène en réalité bien plus qu'une discussion autour du mariage, mais il y a des enjeux qui étaient très en vogue à l'époque et qui sont encore contemporains aujourd'hui. Au fond, c'est vraiment la capacité qu'a une femme à décider de son propre destin qui est en jeu ici. Oui, tout à fait. Dans cette première scène, le personnage d'Henriette est un personnage qui est en fait beaucoup plus moderne qu'on ne pourrait le croire en entendant cette scène. On pourrait croire en la lisant aujourd'hui que Armande, qui défend l'autonomie de la femme et le fait qu'elle ne doive pas passer sa vie dans un mariage, enfin que le but de sa vie ne doit pas être de se marier, pourrait paraître la position moderne. En réalité, pour l'époque, c'est l'inverse. La position moderne, c'est celle de Henriette, qui est jeune et qui est amoureuse. Et pour les valeurs de ces années-là, la jeunesse, c'est l'âge pour aimer, c'est l'âge pour se marier. Donc, dans cette perspective-là, effectivement, le mariage, pour Henriette, c'est le moyen de décider de son propre sort. De la façon dont elle le souhaite, dont elle le rêve, en se mariant avec Clitandre. Et Armande, qui refuse le mariage, au contraire, c'est le personnage qui est en dehors des normes de ces milieux, des milieux qui sont ceux de Molière, du public de Molière, des milieux de la galanterie. Voilà, le mariage, en fait, dans la littérature du XVIIe siècle, est ambivalent. Dans certaines pièces, y compris chez Molière, par exemple, dans l'école des femmes, le mariage peut être vu comme un asservissement de la femme aux lois de son mari. Mais il y a un double traitement, en fait, dans d'autres pièces, comme ici. Le mariage, c'est l'aboutissement de l'amour et la libération, le moyen pour une femme de choisir son sort. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est Henriette qui est du côté moderne. L'idée que la jeunesse et l'âge pour aimer, c'est une idée qui est extrêmement répandue, extrêmement à la mode dans ces années-là, enfin depuis les années 1660. Henriette est du côté moderne et Armande qui refuse l'évidence de l'amour de l'autre côté. Il y a un autre personnage qui est dans cette veine-là chez Molière, c'est la princesse des Lides, dans une pièce qui a été créée en 1664 dans les plaisirs de l'île enchantée à Versailles, qui parle d'une jeune femme qui refuse l'évidence de l'amour jusqu'au point où il est impossible de refuser l'évidence de l'amour et où elle en vient à se marier, justement. On peut aussi chausser d'autres lunettes pour lire cette pièce, et surtout ce début de pièce. Pas immédiatement celui de la comédie, on va y venir, on va voir de quelle manière il caricature un certain type de personnage pour prêter à rire, et avec succès dans cette pièce, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, on peut entendre autre chose dans ce début de pièce. Il y a l'idée, une sorte de thèse que va défendre Armande, donc Armande qui déconseille à Henriette de se marier. Il y a l'idée que finalement on peut distinguer le corps de l'esprit. Et là, on est en plein cartésianisme, au fond. Oui, absolument. Armande est une caricature des thèses cartésiennes, de la thèse dualiste. Donc, Armande défend, effectivement, dans cette scène, que défend à tout prix la séparation du corps et de l'esprit, et elle en tire des conséquences qui sont radicales, à savoir le fait que le corps doit être entièrement asservi à l'esprit, que le corps est une guenille, hein, comme elle le dira. Philamente dans une autre scène, mais c'est la même idée. Donc l'asservissement du corps à l'esprit, et l'idée, c'est une caricature aussi de l'idée, du cartésianisme dans sa veine stoïcienne, l'idée qu'on peut avoir une emprise absolue que l'esprit doit avoir une emprise absolue sur les passions, sur le corps, et donc notamment sur les passions amoureuses. Et toute leur inscription dans la chair. Et apparaît dans la bouche d'Armande pour la première fois le mot de savante, justement. Mmh. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, dit-elle à Henriette, que du nom de savante, on honore en tout lieu. Comme si finalement le fait d'être savant s'opposait au fait d'être marié. Oui, alors en fait le fait d'être savant, une femme savante dans le contexte, c'est compris comme pour le public directement comme une femme pédante, parce que il y a ce modèle. C'est péjoratif, savant. Voilà, c'est péjoratif. Enfin, l'expression femme savante renvoie au modèle de la femme pédante, en fait. Il y a une tradition dans la littérature, notamment romanesque, galante de l'époque, qui présente cette espèce de repoussoir du modèle galant que serait la femme pédante, femme savante aussi. Il y a un roman de Madeleine de Scudéry, Artamène ou le grand Cyrus, qui met en opposition deux personnages, le personnage de Sappho, qui représente la norme galante, et face à elle, le personnage de Damophile, si je me souviens bien, qui est la pédante, et qui est justement qui incarne cette femme qui a un rapport beaucoup trop spécialisé au savoir, et qui par là même contrevient aux normes de la galanterie qui impliquent de ne pas faire étalage de son savoir, c'est-à-dire d'être instruite. Ça ne s'oppose évidemment pas à l'instruction des femmes, mais ça s'oppose à l'idée de faire étalage de son savoir. Bah, c'est tout l'enjeu de cette pièce, hein, les femmes savantes. Absolument. C'est une pièce qui questionne le statut du savoir. Est-ce que l'ostentation du savoir tue le savoir en retour? Exactement. C'est ça la question. Tout à fait, absolument. C'est la question qui est dans cette pièce. C'est le fondement du comique aussi. C'est le fait que ces femmes font étalage de leur savoir. Enfin, c'est d'une part qu'elles ont un rapport trop spécialisé au savoir. Ouais. Et que par ailleurs, elles en font étalage. Donc il y a les deux aspects. À la fois de leur propre rapport au savoir et de leur rapport à la enfin du détournement de la sociabilité que cela implique d'avoir de faire étalage de son savoir. Enfin, c'est-à-dire que pour Molière, c'est plus grave pour une femme d'être pédante que pour un homme? Oui, alors c'est plus grave au sens où pourquoi choisit-il des femmes au fond? Oui, en fait, c'est plus paradoxal pour une femme. Pour un homme, parce que dans ces milieux-là, les femmes incarnent par excellence les normes de la galanterie, les normes de l'honnêteté, donc le rapport modéré au savoir, le fait une certaine désinvolture, la sprezzatura italienne, le fait de ne pas en faire trop, d'avoir un rapport juste. En général, aux mœurs et au savoir en particulier. Donc, le pédant, il est comique et il est ridicule dans tous les cas, mais lorsque ce sont des femmes qui sont pédantes, alors c'est encore plus paradoxal et donc c'est encore plus comique. Alors, on reviendra sur le statut féministe ou misogyne de cette pièce dans un extrait qui viendra un peu plus tard. Hein. Là, justement, si on reste sur la question du savoir et de la pédanterie, dans quelle mesure être savant implique forcément d'être pédant, surtout dans le cas des femmes, donc dans cette pièce. Je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait, on va faire un bond, parce que finalement, dans cette pièce, il y a l'intrigue qui est évidemment le ressort du comique, mais c'est aussi une succession de scènes qui en elles-mêmes sont d'une richesse incroyable, et c'est ce qu'on va faire ce matin, on va essayer de les écouter dans cet ordre. Une scène qui se trouve dans l'acte 2 de la scène 6, écoutez comment Philaminte va pourchasser Martine, sa servante, pour pouvoir la renvoyer. Son mari, Chrysale, ne comprend pas pourquoi elle veut la renvoyer. Et au fond, c'est pour une raison toute simple, c'est qu'elle parle mal le français et on entend une sorte de défense de la grammaire complètement surréaliste. Écoutez. Oui, ma femme, avec raison, vous chasse, coquine, et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma voix, je ne sais pas. Elle est du beurre, encore! À l'enfer, aucun cas! A-t-elle pour donner matière à votre haine, casser quelques miroirs ou quelques porcelaines? Voudrais-je la chasser? Et vous figurez-vous que pour si peu de choses, on se met en courroux? Que c'est dire? L'affaire est donc considérable. Sans doute! Mais voit-on femme déraisonnable? Est-ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelques guerres ou quelques plats d'argent? Cela ne serait rien! Oh, peste la belle! Quoi? Avez-vous surprise? N'êtes-vous pas fidèle? C'est pis que tout cela! Pis que tout cela? Pis! Comment diantre friponne? A-t-elle commis? Elle a! D'une insolence à nulle autre pareille! Après 30 leçons, insulter mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'en termes décisifs, condamne, venge-la! Est-ce là? Quoi? Toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences. La grammaire qui s'est régentée jusqu'au roi et lui fait la main haute, obéir à ses lois. Du plus grand effort fait, je la croyais coupable. Quoi? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Ainsi fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Allez là. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite et des lois du langage, on l'a 100 fois instruite. Tout ce que vous prêchez, je prends bel et bon, mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. La pédante, appelez un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien, et quand vos bien dictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style, ne servent pas de rien. Oh, cervelle indocile. Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrûment? Deux pas mis avec rien, tu fais la récidive. Et c'est comme on t'a dit, trop d'une négative. Je n'en veux pas étudier comme vous et je parle tout droit comme on parle chez nous. Comment peut-on établir? Quel solécisme horrible! En voilà pour tuer une oreille sensible! Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avant et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père? Monsieur le maire corrige le prochain bulletin municipal. Christian Métairie a l'égalité des sexes en étendard. Il a donc choisi l'écriture inclusive pour s'adresser à ses administrés. Cette fameuse phrase « Le masculin l'emporte sur le féminin » est une phrase d'une violence extrême vis-à-vis des femmes. Or, c'est ce qu'on apprend à l'école. Le masculin l'emporte sur le féminin. Ce n'est pas qu'une construction grammaticale. Les habitants d'Arcueil reçoivent diversement l'initiative du maire. trouve ça bien pour tout le monde et pour pas qu'on fasse une différence entre les femmes et les hommes. J'imagine pas, si vous voulez, un classique réécrit en écriture inclusive. Et oui, si vous doutiez de l'actualité et de l'urgence des débats sur la grammaire mise en scène dans l'école des femmes, les femmes savantes de Molière, voici donc un exemple, le maire d'Arcueil, hein, Christian Métairie, un élu du parti Europe Écologie Les Verts, qui est pour l'écriture inclusive. Et on voit comment ces derniers mois, cet enjeu, ce débat a pu diviser quand même la société à sa manière, hein, Lise Michel. Au fond, est-ce que c'est le même genre d'enjeu qu'il y a à l'époque des femmes savantes? Il faut peut-être citer un nom qu'on entend beaucoup dans la pièce, qui est celui du grammairien Claude Favre de Vaugelas. Qui est Vaugelas? Oui, alors absolument. La comparaison avec l'extrait qui a été entendu est très très pertinente, parce que effectivement, à l'époque de Molière, déjà, c'était un débat d'actualité, et effectivement, cette question, enfin, ce grammairien Vaugelas, Molière, enfin, le comique des femmes savantes s'en prend beaucoup à lui. Il y avait un débat autour de la question de savoir s'il fallait que la langue française suive la raison ou si elle devait suivre l'usage. Vaugelas, lui, est du côté de l'usage, c'est-à-dire il a publié en 1647 un traité qui essaye de réécrire il réécrit pas la langue française, il donne des règles pour suivre l'usage, enfin pour que la langue française suive l'usage, et il s'oppose à d'autres grammairiens de son temps qui essayent de refonder la langue française en raison. Donc les femmes savantes, elles revendiquent Vaugelas, c'est-à-dire théoriquement le fait qu'il faille suivre l'usage et non pas la raison. Quelle est cette distinction vraiment entre usage et raison? Pour Vaugelas, il faut suivre la manière dont on parle, c'est-à-dire ne pas se fonder sur des règles a priori, mais d'accord, suivre la manière dont on parle à la cour, c'est-à-dire réformer la langue française en suivant la manière dont on parle réellement. Bah, c'est ce que fait Martine, là, dans ce cas, la servante à la cour, voilà, oui. Alors Martine, elle ne suit pas l'usage de la cour. Ah oui, elle suit son propre usage. Se fait entendre, on parle toujours bien. Voilà. C'est la règle de Martine, et c'est vrai qu'on a envie de lui donner raison. C'est vrai que le but, c'est de se faire comprendre. Alors, ce qui est en fait comique aussi dans cette scène-là, c'est le débat en lui-même. C'est-à-dire que Molière ne prend pas forcément parti d'un côté ou de l'autre, ou ses personnages. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ils font référence à ce débat-là, parce que ce débat-là en lui-même, qu'on soit du côté de l'usage ou de la raison, enfin, au-delà, en fait, de cette distinction, ce débat-là, il paraît parfois un peu ridicule aux contemporains et aux contemporains de la cour. En fait, le fait même de débattre de la grammaire paraît ridicule. Donc, mettre ce débat-là ou ces termes-là, la référence à Vaugelas dans la bouche de ces femmes-là, a un aspect ridicule. C'est se moquer de la cour. Voilà. Alors, c'est pas forcément se moquer de la cour, c'est se moquer de. Encore une fois, c'est une érudition trop spécialisée. C'est toujours un peu le même genre de cible. C'est l'idée que, à force de vouloir absolument c'est l'idée même de régenter la langue française, en fait, qui peut paraître comique parce que trop spécialisée. Donc, en fait, dans Les Femmes Savantes, on voit à la fois le débat entre usage et raison, mais surtout, le grand effet comique, c'est surtout le fait de s'occuper de cette question-là, en fait, qui paraît saugrenue. Le philosophe Lamotte, Le Vaillet, avait écrit à plusieurs reprises dans des lettres, différents textes, avait écrit sur le fait que pour lui, ça ne servait à rien de s'occuper de cette question-là, que c'était qu'il y avait des questions beaucoup plus importantes à traiter que cette question de régenter la langue française, qui se fera au fur et à mesure et qui doit se laisser faire aussi. Donc c'est le. D'autant que le théâtre de Molière lui donne raison, parce qu'au fond, quand on lit le théâtre de Molière, on se dit mais c'est impressionnant, ça a été écrit il y a 400 ans et c'est encore notre langue quasiment. Mais en fait c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait dire, c'est que c'est l'écriture de Molière qui a sans doute influencé et modelé la langue telle que nous la parlons aujourd'hui. Oui, absolument. Oui, absolument. Il y a une très très grande souplesse dans l'écriture de Molière qui était pour l'époque beaucoup plus naturelle. On a beaucoup noté le naturel de la langue de Molière, et effectivement c'est une des raisons sans doute pour lesquelles ça a une influence, ce type de langue est resté dans la comédie et puis jusqu'à nos jours, effectivement. Et il faut entendre dans cet extrait cette discussion autour de la grammaire, la grand-mère, hein, entend Martine aussi. Alors il y a quoi, il y a une sorte de conflit qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de conflit de classe, il y a quand même un grand mépris envers cette servante qui parle mal. On pense à Françoise, la servante du narrateur dans La Recherche du Temps Perdu. Mm-hmm. C'est un motif, hein, la servante qui ne parle pas comme ceux qui l'emploient. Et si bien qu'ici, voilà, il y a peut-être le fait de mettre en scène le côté ridicule du débat autour de la grammaire, mais au fond se joue un affrontement qui dépasse largement la discussion autour de la grammaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un affrontement. Oui, il y a un aspect comique avec le personnage de Martine qui reprend un procédé que Molière utilise aussi dans d'autres comédies, dans Le Médecin malgré lui, dans Don Juan aussi, de faire venir sur la scène des personnages qui parleraient une sorte de patois. Alors pour Martine, c'est moins appuyé que pour d'autres personnages, mais effectivement, si on voulait chercher une sorte de réalisme, ça irait du côté du faux patois imitant la prononciation de l'Île-de-France à l'époque. Donc effectivement, c'est la confrontation entre l'hyper-érudition des femmes savantes et les fautes de grammaire que commet la servante Martine. Après, la servante Martine est un peu un prétexte pour commettre ces fautes de grammaire. Molière s'est inspiré dans cette scène de modèle, enfin dans les comédies avant lui qui mettent en scène des pédants. Il y en a beaucoup qui viennent d'Italie, qui sont un peu aménagés en France. Il y a toujours ces personnages qui commettent des fautes de grammaire et qui sont repris par les pédants, justement. Donc là, il aménage au féminin ce modèle de la servante et la pédante, un modèle qui existait sous le valet et le pédant. Et il l'aménage en fonction de l'actualité, en fonction de ses débats. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que ce débat, il est particulièrement d'actualité à cette date-là, parce que Gilles Ménage vient de sortir aussi un traité qui s'appelle Des observations sur la langue française, qui vient de sortir aussi. Donc, c'est particulièrement d'actualité dans ces années-là. Et Ménage est le modèle du personnage de Vadius dans Les Femmes Savantes. Donc, on tourne autour de ces questions-là. Dites-nous qui est Vadius. Oui, Vadius, pardon. C'est un pédant traditionnel que Molière introduit dans cette comédie-là, qui est imbu de sa personne et qui parle grec, voilà, et qui est un collègue de Trissotin avec lequel Trissotin aura une, enfin Trissotin qui est le pédant, le bel esprit de cette pièce et qui introduit son collègue Vadius. Il le présente aux femmes savantes et puis pour une querelle d'égo, ils vont se disputer à mort. Et ça c'est vraiment hilarant. Trissotin, c'est celui qui est trois fois sot. Hein. Voilà. On l'entend dans le mot. Alors toute la question peut se poser de savoir mais pourquoi, même si vous avez en partie répondu, Lise Michel, pourquoi donc dénoncer la pédanterie, certes, dénoncer le snobisme, d'accord. Mais pourquoi chez les femmes? Et au fond, la question se pose de savoir, dans cette pièce, le parti pris de Molière, tant les discours tenus par les hommes contre les femmes, sont nombreux. Et on peut se poser la question de savoir, mais au fond, féminisme ou misogynie, le débat est en fait assez vite tranché, je crois, pour un lecteur contemporain aujourd'hui. Je pense que peu de personnes accusent encore aujourd'hui Molière de misogynie. Mais écoutez comment la question se pose et quels sont les arguments dans la bouche de ces messieurs quand, à l'acte 2, la scène 9 de l'acte 2, Chrysale avoue à son frère, Ariste, qu'il n'a pas eu la force d'imposer sa volonté à sa femme, puisque finalement, il va se résoudre à se laisser dominer par son épouse. Et c'est sa femme qui va choisir qui va épouser Henriette, hein, c'est toujours l'enjeu de la pièce. Écoutez les arguments de part et d'autre, et on se demandera en fait de quelle façon Molière s'exprime dans la bouche de ses protagonistes. Eh bien, la femme sort, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Oui. Quel est le succès? Aurons-nous Henriette? A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? Pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non. Est-ce qu'elle balance? En aucune façon. Quoi donc? C'est que pour Jean, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour Jean? Un autre. Qui se nomme? Monsieur Trissotin. Quoi, ce monsieur Trissotin? Oui, qui parle toujours de vers et de latin. Vous l'avez accepté? Moi, point. Ah, Dieu ne plaise. Oh. Qu'avez-vous répondu? Rien. Et je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'engager. La raison est fort belle et sait faire un grand pas. Avez-vous su du moins lui proposer Clitandre? Non, car comme j'ai vu qu'on parlait d'autres gendres, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous pas de honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu? Mon Dieu, vous en parlez, mon frère, bien à l'aise. Et vous ne savez pas comme le bruit me pèse. J'aime fort le repos, la paix et la douceur. Et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère. Et sa morale, faite à mépriser le bien, sur l'aigreur de sa bile, opère comme rien. Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, on en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton. Je ne sais où me mettre. Et c'est un vrai dragon. Et cependant, avec toute sa diablerie, il faut que je l'appelle et mon cœur et ma mine. Allez, c'est se moquer. Votre femme, entre nous, et par vos lâchetés souveraines sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend son titre de maîtresse. Vous-même, à ses hauteurs, vous vous abandonnez et vous faites mener en bête, par le nez. Quoi, ne voulez-vous pas, voyons comme on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme, à faire condescendre une femme à vos voeux et prendre assez de cœur pour dire « je le veux ». Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions qui tiennent la famille, et de tout votre bien revêtir un nigo pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut, un pédant qu'à tout coup votre femme apostrophe du nom, de bel esprit et de grand philosophe, d'homme, grand vers galant, jamais on égala, et qui dès qu'on en sait rien moins que tout cela. Allez, encore un coup, c'est une moquerie, et votre lâcheté mérite qu'on en rie. Ouais, vous avez raison, et je vois que j'ai tort. Alors, il faut enfin monter un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Il est vrai. Trop joui de ma facilité. Sans doute. Et je lui veux faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille, et que j'en suis le maître, pour lui prendre un mari qui soit selon mes voeux. Vous voilà raisonnable, et comme je vous veux. Vous êtes pour Clitandre et savez sa demeure. Faites-le-moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours, tout ne se pas. C'est souffrir trop longtemps. Et je m'en vais être homme, à la barbe des gens. France Culture, le chemin de la philosophie, Adèle Van Vliet. Et nous parlons de Molière cette semaine, ce matin, des femmes savantes, en compagnie de Lise Michel, dans le rôle de Chrysale, c'était Jean de Bucourt, dans le rôle de son frère Ariste Maurice Escande. Cet échange donc on trouve à la scène 9 de l'acte 2 met en scène divers arguments. Il faut bien préciser, Lise Michel, que si Molière dénonce la pédanterie des femmes savantes dans cette pièce, il ne prend pas pour autant le parti des maris qui se plaignent de leurs femmes. En effet, tout à fait. La scène qu'on vient d'entendre là a donné lieu à de grands contresens dans l'histoire littéraire, dans l'histoire du théâtre, puisque ça a été effectivement pris comme un discours misogyne venant de Molière lui-même. Et la raison en est que le personnage qui parle, Ariste, c'est le raisonnable de la pièce, c'est le sage de la pièce. Et donc entendre dans la bouche d'Ariste des propos du type « vous ne pouvez pas vous résoudre à vouloir être un homme et à faire condescendre une femme à vos voeux », on a pendant des dizaines d'années, et ça arrive encore qu'on trouve cette interprétation. Ah oui, assez régulièrement de cette scène, comme l'idée que Molière serait misogyne, puisqu'il a mis ces discours-là dans la bouche de son personnage raisonneur. Alors en réalité, il faut situer cette scène vraiment dans son fonctionnement dramaturgique. On est vraiment dans l'enjeu ici, la pièce. L'enjeu, c'est que Ariste voudrait favoriser le mariage d'Henriette avec Clitandre, et que Chrysale, bien qu'il soit d'accord avec cette ambition, est affecté d'un problème qui est celui de la lâcheté, oui. qui est une passion extrêmement handicapante. On le présente vraiment comme une passion, c'est en l'occurrence d'ailleurs dans les termes du traité des passions de Descartes, c'est des termes très proches. Là encore, il y a un petit clin d'œil à Descartes chez Molière. Donc il est vraiment handicapé par ce problème, ce qui fait qu'il n'arrive pas à s'opposer à sa femme. Et donc, Ariste tente de trouver des arguments qui pourraient convaincre Chrysale de s'opposer à sa femme. La femme, Philaminte, voudrait que Henriette épouse non pas Clitandre, mais Trissotin. Donc, Ariste se met sur le terrain de Chrysale, et Chrysale, on l'a vu dans des scènes précédentes, ouais. à l'acte 2, à la scène 7 de l'acte 2, Chrysale, lorsqu'il était face à sa femme Philaminte, tenait des discours qui étaient absolument réactionnaires, pour le public de l'époque, pour nous aussi bien sûr, mais déjà pour le public de l'époque, lorsque Chrysale disait qu'il n'était pas bon qu'une femme étudie, qu'une femme sache tant de choses, qu'elle doit faire aller son ménage et avoir l'œil sur ses gens, qu'une femme doit se résoudre, s'occuper uniquement de choses du ménage. Donc il a une vision extrêmement rétrograde des relations entre hommes et femmes, qui pour le public de Molière est une vision clairement décalée et clairement rétrograde, et donc Ariste tient ce discours qui est effectivement complètement décalé lui-même pour convaincre son frère Chrysale. Donc c'est sur ce terrain-là qu'il faut se placer. Donc de ce point de vue-là, Chrysale, il est dans la lignée des personnages comme Arnolphe dans L'École des femmes, qui a une vision de la femme, alors qui s'inspire aussi de traités réels, écrits au premier degré, notamment dans les années 1630, donc c'est pas si vieux que ça, qui sur l'éducation des femmes et sur le rôle des femmes. Arnolphe, quand même, pour préciser oui. Ce qui se passe dans L'École des femmes, Arnolphe a choisi dès son plus jeune âge oui. une jeune femme qui s'appelle Agnès, et qu'il a prévu d'épouser une fois qu'elle sortira de l'éducation qu'elle reçoit dans un couvent. Donc c'est vraiment l'idée que la femme doit recevoir l'éducation, elle est ensuite au service de l'homme qui a 40 ans de plus que lui. Exactement. Et dans L'École des femmes, comme dans Les femmes savantes, comme Chrysale dans Les femmes savantes, il y a aussi l'idée que les femmes ne doivent pas avoir accès aux livres. Il faut brûler ce meuble inutile, dit Chrysale, et Arnolphe dira exactement l'équivalent, avait dit exactement l'équivalent en 1663 dans Les femmes savantes, dans L'École des femmes, pardon. Oui. Donc c'est l'idée que les femmes ne doivent pas avoir accès au savoir pour s'occuper uniquement de leur ménage. Donc l'idée de et puis Chrysale, c'est aussi un personnage dans Les femmes savantes qui est rétrograde aussi sur le plan des comportements. Il y a une scène précédente où il échange avec son frère et où il se vante d'avoir été gaillard dans sa jeunesse et d'avoir fait rêver les femmes. Donc il est caractérisé de cette façon-là, et donc c'est sur ce terrain-là que joue Ariste pour essayer de le convaincre. Donc c'est... Mais un mot quand même avant qu'on entende le fameux trissotin et le cœur comique de cette pièce, un mot sur la relation entre sur la fratrie chez Molière, parce que dans Le Malade imaginaire, c'est pareil, c'est le frère qui vient le convaincre de sa sottise, de son hypocondrie totale. À chaque fois, c'est souvent le personnage du frère qui vient raisonner le personnage principal. Oui, tout à fait. Dans L'École des maris aussi, c'est deux frères. Oui, alors effectivement, c'est le frère. Alors, j'ai pas d'explication particulière là-dessus, mais vous avez tout à fait raison. C'est souvent au sein de la famille, il y a le raisonneur et puis il y a le personnage qui est en décalage par rapport aux normes. C'est ça, il y a le bon sens du côté du frère. Peut-être que c'est le fait que ce soit pas un personnage extérieur a un impact sur le fait que ça ne se fait pas de façon agressive, que c'est une norme qui est acceptée, une norme douce en quelque sorte, et que les visionnaires, comme on disait au XVIIe, c'est-à-dire les fous, sont pas forcément des fous méchants, mais ils sont en décalage. Oui. Alors, écoutons, laissons la parole à Trissotin. Est-ce que vous voulez en dire deux mots, Lise Michel, de cette deuxième scène de l'acte 3, avant qu'on l'écoute ? Oui, alors c'est le... Donc les femmes savantes sont obnubilées, elles ont un héros qui est le bel esprit Trissotin. Bel esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui fait étalage de son esprit. C'est un terme, le bel esprit, qui était au départ un terme assez... positif, qui montrait quelqu'un qui avait de l'esprit, et puis au fur et à mesure ça désigne quelqu'un qui en fait trop dans l'esprit. Donc là les femmes savantes, si je sais pas comment vous avez coupé l'extrait, mais vont accueillir ce Trissotin qui va entamer la lecture de son sonnet devant Philaminte, donc Armande et Bélise, qui va se pâmer littéralement devant l'étalage de son prétendu talent. Une seule personne reste de marbre, c'est évidemment Henriette. Pour cette grande fin qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 vers me semble peu de chose, et je pense qu'ici je ne ferai pas mal de joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal, le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de ces latiques assaisonnés partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Ah, je n'en doute point. Donnons vite audience. Sonne. Je sens, dès mon cœur tressaillir, par avance. Sonne. Même la poésie, avec entêtement. Sonne. Et surtout, quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Sonne. Silence, ma nièce. Ah, laissez-le donc lire. Sonnez à la princesse Uranie sur sa fière. Votre prudence est endormie. De traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Oh, le joli début! Il a le tour galant. Lui seul devait réaliser, possède le talent. Ah, prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement, où cet ingrat insolemment attaque votre belle vie. Ah, tout doux, laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent à ses vers, jusqu'au fond de l'âme, couler je ne sais quoi qui fait que l'on se parle. On se demande finalement qui en prend le plus pour son grade. Est-ce que c'est Trissotin ou ces femmes savantes qui en font des et qui, au fond, ce qui est vraiment dénoncé ici, Lise Michel, c'est le fait de s'écouter parler. Rien n'est dit, ça n'est que des mots qui se succèdent et des personnes qui se gargarisent des mots qu'ils sont en train de prononcer. Oui, absolument, tout à fait. C'est vraiment la manifestation par excellence du bel esprit qui est content de lui, qui est content de ses productions et puis à l'inverse de ces femmes savantes qui veulent absolument, qui en rajoutent pour montrer qu'elles ont compris, qu'elles sont du même milieu, effectivement, et puis qui ont un discours critique qui est complètement dénué d'intérêt, qui est uniquement dans la louange extrême et excessive, tout à fait. Alors ce sonnet, il est copié, en fait, enfin, directement voilà, repris d'un sonnet de l'abbé Cotin, qui est le modèle du personnage de Trissotin. Ça veut dire que donc Molière s'inspire de quelqu'un qui existe vraiment, d'une œuvre qui existe vraiment. Donc on voit que c'est un portrait beaucoup plus à charge que ce qu'on peut penser. Oui, tout à fait. Il se moque du début à la fin dans cette œuvre-là de l'abbé Cotin, de l'abbé Charles Cotin, qui était un contemporain, qui avait déjà été ridiculisé par Nicolas Boileau, qui est connu pour être extrêmement prétentieux. Donc c'est un abbé qui se mêlait de philosophie et qui défendait notamment les thèses dualistes, donc c'est pas un hasard qu'il se retrouve dans cette pièce-là et qu'il les défendait, lui, sur le plan des doctrines chrétiennes. En fait, la prédominance de l'âme sur le corps, donc il avait rédigé un traité sur cette question-là, il est contre l'atomisme, contre le matérialisme, voilà, et donc de ce point de vue-là, Molière se moque beaucoup de cet aspect-là. Et puis, il est connu pour être prétentieux aussi, mais aussi pour avoir une très faible résistance à la satire. Il est connu pour ça. Donc, vraiment, Résistance à la satire. Et il est susceptible. Il est très susceptible. Quand on se moque de lui, il renchérit. Il avait eu des querelles avec un autre, avec Gilles Ménage, justement, qui est le personnage, un modèle de Vadius dont on parlait tout à l'heure, parce que Gilles Ménage lui avait reproché de s'être moqué d'une destinataire, enfin c'est une histoire, et donc il avait rétorqué lorsque Boileau l'avait cité dans ses satires, il avait aussi répondu, etc. Et donc en fait Molière là pratique vraiment la surenchère. Ce personnage est connu pour ne pas supporter la satire et donc on le met au centre d'une pièce qui va vraiment se moquer de lui complètement. Et ce qui fait rire le public, j'imagine. Voilà, tout à fait. Le public à la référence. Voilà, le public à la référence, exactement. Les œuvres galantes, enfin, ce sonnet est tiré des œuvres galantes de Cotin, qui circulent vraiment dans ces milieux-là, qui sont connus. Le titre est une allusion à aussi un autre poème de Cotin. Donc tout à fait. Donc on se moque de ce contemporain et on s'en moque avec d'autant plus de. Enfin, le public rit d'autant plus qu'il sait que Cotin n'appréciera absolument pas. Et puis Cotin était aussi connu. Il avait écrit un texte juste avant où il expliquait qu'on pouvait se moquer des gens à condition de ne pas les nommer. Donc là, Molière le prend au premier degré et donc il se moque absolument de lui et ne prononce pas son nom. Évidemment, tout le monde le reconnaît. Alors je disais, la question que pose la pièce, que soulève la pièce, celle de savoir si trop de savoir tue le savoir ou trop montrer qu'on sait n'est-il pas contre-productif et finalement le signe d'une forme d'ignorance. L'extrait que vous allez entendre, le dernier extrait qu'on va entendre ce matin, en est la preuve, la démonstration, c'est la scène 3 de l'acte 4. Vous allez entendre ce débat entre Clitandre et Trissotin. Où Molière se situe-t-il? Comment y a-t-il un bon rapport au savoir? Y a-t-il un bon rapport à la science au sens large? Écoutez l'extrait, vous verrez les échos que ça a avec le monde contemporain. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons, en dormant Madame Échappée Belle, un monde près de nous a passé tout du long. Échu, tout au travers de notre tourbillon. Et s'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux, comme verre. Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque adoucissement, je m'explique, madame. Et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment qu'en fait, comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne conclurait guère. Je n'irai pas bien loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru, jusqu'ici, que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts et non pas la science. Vous avez cru fort mal et je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes puisqu'ignorant et sot sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus grande entre pédant et sot. La sottise dans l'un se fait voir toute pure. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un fat devient impertinent. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, puisque pour elle, ainsi, vous prenez tant les armes. Si pour moi l'ignorance a des charmes si grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Tout ça manque beaucoup de science, en réalité. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de titre et la mienne pour comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis, en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Et oui, vaut-il mieux être ignorant ou pédant? C'est le débat qui anime Clitandre d'un côté, Trissotin de l'autre. Vous avez entendu la voix du professeur Didier Raoult qui dit « Moi, je suis un vrai scientifique. Moi, je sais, justement, alors que d'autres ne savent pas. » Est-ce que c'est un portrait, si on prend vraiment un portrait de personnage, hein, un personnage contemporain de ce que serait Trissotin, à savoir celui qui va survaloriser un certain rapport à la raison et vouloir montrer qu'il sait à tout prix mieux que les autres, Lise Michel? Oui, c'est bien choisi. Effectivement, le personnage de Trissotin, il veut à tout prix montrer qu'il sait, faire étalage de son savoir, ce qui, comme on le disait tout à l'heure, contrevient tout à fait aux normes d'un comportement adéquat, un rapport au savoir qui est valorisé dans ces milieux-là. Oui, mais après, indépendamment des injonctions sociales... Oui. Trop insister sur le fait qu'on détient le savoir montre bien qu'il y a comme une absence de confiance en soi. Enfin, dire si on savait vraiment, si on ne doutait pas de savoir, on n'aurait pas besoin de le dire. Tout à fait. L'érudition nuit à la véritable science dans cet esprit-là. Donc ça, c'est un thème récurrent dans les femmes savantes, que le véritable exercice de la raison doit savoir parfois ignorer, doit savoir ne pas savoir, doit savoir apprendre et doit savoir être Trissotin, effectivement n'apprend pas, il sait déjà, il étale son savoir. C'est aussi un thème d'actualité à l'époque, enfin la question de l'astronomie là qui mobilisée dans cette scène-là, le Trissotin annonce l'idée que enfin annonce qu'une comète est passée. Nous l'avons en dormant, madame. Échappée belle, un monde près de nous a passé tout du long, échoué au travers de notre tourbillon. Donc encore une référence à Descartes, à sa théorie des tourbillons. Alors le fait que, enfin, la s'intéresser aux comètes, pardon, c'est un thème qui est débattu à l'époque, justement sous cet angle-là, c'est-à-dire de savoir si ça a un intérêt ou pas de s'intéresser aux phénomènes astronomiques. Et donc, en fait, l'enjeu du savoir, donc c'est un enjeu du rapport au savoir, c'est un enjeu très général, mais qui est aussi appliqué à certaines sciences. Et l'astronomie fait partie des sciences qui sont controversées en elles-mêmes à l'époque, aussi étrange que ça puisse nous paraître aujourd'hui. Ouais. Certaines personnes, y compris très éclairées, y compris dans les milieux très éclairés que fréquente Molière, défendent l'idée que cela, dans la cour, que cela n'a pas, enfin, que ce n'est pas une priorité de s'intéresser à ces questions-là, alors qu'il y a d'autres problèmes à échelle humaine qui ne sont pas résolus. Donc, en fait, l'enjeu, il est à la fois, c'est un rapport au savoir en général, mais c'est aussi le rapport à cette science-là et à certaines sciences. Dans Les Femmes Savantes, il n'est pas question de toutes les sciences, il est question de grammaire, d'astronomie, de physique, enfin, d'un certain type de physique. Donc, c'est aussi... Ils sont jugés secondaires? Alors, voilà, justement, oui, il y a des enjeux. Alors, la physique n'est pas jugée secondaire en elle-même, il y a certaines pratiques de la physique qui sont jugées trop extrêmes, enfin, ou qui sont mises en cause, de savoir s'il vaut mieux faire de la physique avec du côté de l'expérience ou de la théorie. Enfin, c'est moins visible dans Les Femmes Savantes, mais en tout cas la question de l'astronomie, elle est vraiment débattue. Encore une fois, le philosophe Lamotte Levaillet est un peu réticent avec l'idée de s'occuper de ce qui se passe sur la Lune, alors qu'il y a des problèmes terrestres non résolus. Donc c'est pour ça qu'aussi dans le contexte des Femmes Savantes, et encore une fois, même si c'est difficile à percevoir aujourd'hui, puisque ça nous paraît une évidence qu'il faut s'intéresser à l'astronomie, mais ça n'est pas une évidence à l'époque. Donc c'est plus l'astronomie est un exemple d'un domaine qui ne serait, enfin, dont la légitimité est encore incertaine. Fait en plus que Trissotin s'adresse à des femmes, en l'occurrence, est encore plus saugrenu parce que ceux qui s'y intéressent, par excellence, ne sont de toute façon pas des femmes à l'époque. Donc il y a un aspect doublement saugrenu en fait dans cette scène-là. Et alors, comment définir le bon rapport au savoir selon Molière, ou la bonne connaissance à obtenir? Est-ce qu'on est toujours des Trissotins en puissance, ou il y a toujours une partie de nous qui tend à être du côté de Trissotin? Et ça, est-ce que Molière le reconnaît, qu'au fond, c'est pas forcément une caricature d'une personne en particulier, mais nous sommes tous un peu des Trissotins? Ou est-ce qu'il y a une manière d'entretenir un rapport à la connaissance, au savoir, qui ne tomberait pas dans ce travers-là, pour Molière? Lise Michel. Alors le bon rapport serait un rapport modéré, c'est-à-dire d'avoir